maître enamouré en un griffé fictif, n'affirme ni ne nie en son centre invisible, il signifie en or tous les futurs possibles, il établit, permet un destin positif. Ressens dans tes organes la vie de la lumière, respire avec prudence, avec délectation, la voix médiane et l'âme, complément de l'action, c'est le fantôme inscrit au cœur de la matière. Cœur de la matière. Et c'est l'intersection des multiples motifs dans un noyau de vide, indicible et bleuté. C'est l'hommage rendu à l'absolue clarté, la racine de l'amour, le cœur imperceptif. Ressens dans tes organes la vie de la lumière, respire avec prudence, avec délectation, la voix médiane est là, complément de l'action, c'est le fantôme inscrit au cœur de la matière. Cœur de la matière.